mwen. Se pep ki jè soufè, pep ki konè tou lè fwa san mwen. I a dan til ti an mwen, mwen se neg e mwen fye. An pa bizon pale, l'iswa mwen chaje. Tèt an mwen, bien si zépol an mwen. Lank avanse ban mwen lè, nan mwen mwen. Kote karibien nan mwen, se kon lor yi valè. An pa bizon pale, l'histoire m'a chargé. Pays en moins belle et belle, bus vous dit belle. Et j'allais tout le monde sans des gens. Pays en moins belle et belle, bus vous dit belle. Et j'allais tout le monde sans des gens. Pays en moins belle et belle. C'est en moi, moi ne peux pas bête chemin. Tu es en moi, toujours vivre, tu es en moi. La maman, moi fais moi. Comme mon ami. Hey, pou, revends moi. C'est la voix jeunesse comme moi, qualité tout être. Ensemble faire violence sauver, ensemble pour des limites. Tu connais le bête, ça faut que ça moins cagoumé. Pays en moins belle et belle, bus vous dit belle. Et j'allais plus mon sang déjà. Pays en moins belle et belle, bus vous dit belle. Et j'allais plus mon sang déjà. Pays en moins belle et belle, bus vous dit belle. Bonjour tout le monde, vous êtes dans Conlambi, la première émission de chaque mois, premier dimanche de chaque mois, est consacrée aux musiques. Jeudi, vous avez entendu à l'instant Anthony Drew, le titre Pays Moins, c'est une nouveauté, ça vient tout juste de sortir. N'hésitez pas à aller voir son clip également qui est en ligne sur le net. Et nous sommes dans cette première musique jeudi, deuxième musique jeudi de l'année, et c'est celle de février 2013. Nous allons consacrer cette émission aux 4 ans du début du mouvement social qui a eu lieu aux Antilles de février 2009, qui a démarré très exactement en Guadeloupe le 20 janvier. Et on va justement partir en Guadeloupe avec l'hymne de ce mouvement chanté par Akio, qui était cette semaine même en concert à Paris. Le titre, La Guadeloupe, c'est en nous. Oui, Guadeloupéens, c'est l'heure qui arrivait pour nous mettre nous debout. Oui, debout contre toute profitation. El Capé, vous versiez à nous. La Guadeloupe, c'est à nous. La Guadeloupe, c'est bataillot. Nous pégué fait ça y ouvrez. Ça y est ma pays à nous. La Guadeloupe, c'est à nous. La Guadeloupe, c'est bataillot. Nous pégué fait ça y ouvrez. Ça y est ma pays à nous. Il y en a qu'on peut vivre. Comme ma vie. Ça y est, ma pays à nous. Conlambi. Marcher à balancer, ce seul nous sur nous vite lâché, c'est pépé sorti rupé, la fille m'était du fait, il j'accapte ses vétos, il plaît pour nous pour rigolo. Mon Dieu passe mais à mon pays là. Là où connaît souffrance à pays là. Si entreprise a déposé clé là. Les hauts mettez nous tout dans la rue là. C'était il y a exactement 4 ans, grève générale aux Antilles qui a démarré en Guadeloupe. Vous avez entendu après Aquillo, la Guadeloupe c'est en nous. C'était Jocelyne Labille pour un autre morceau qui a très bien marché pendant cette période. Et on va changer de style, mais rester toujours sur les mêmes événements, la même période. On va écouter Fokly en Pépa Vive comme ça. En Guadeloupe, ça commence à ressembler à une révolte. La grève générale paralyse une partie de l'île. Des barricades ont été érigées hier sur de nombreuses routes. La situation reste confuse. Le patronat et les syndicats cherchent toujours un accord final sur une hausse des salaires et aussi sur le problème du prix de l'essence trop élevé. Une crise qui illustre le malaise de la société guadeloupéenne où la précarité est grande, notamment parmi les jeunes. Non, fait pas vivre ça. Pour comme minorité qu'a couillonné le peuple. Ma débit c'est ça qu'on a dit nous où est-ce qu'on va. Avec complicité à l'état qui t'aille, ça qui t'aille, t'aille. Non, on fait pas vivre comme ça. Yo fait pousser nous à faire ça et fait au Wenda. Ni trop longtemps nous qu'a attendre. Peuple a qu'a souffert en baillant. Nous qu'en quittant que nous qu'a réclamé la vie. On voit ça qu'on tourne. Canal Plus, le noir est un enfant, avec lui faut être juste. Pour mettre que ça a tiré, pour mettre nous que si porté. Arrogance à yonye, bégel pour nous chirer. Ça toujours d'actu, les inégalités. Puis où nous est en société, la piche est chirée. On fait gravir les échelons, on y a moyen pour cligner. Passer Javel si ou peut-être un jour yon qui est embauché. Ça a fait Paris, mais aussi au pays. Esclavage moderne, ni intérêt au pays. Je vais pas mettre 201 si l'affiche de payeur. Mais qui j'en fait 101 pour nourrir toute la famille. Crier bon ailleurs, dis au faux, mais c'est les prix. Gardez pas finette en pouvant qui j'en peuple la aigri. Nous au bord de la rupture, situation critique. Pas de gaz, what, mon assoif, je laisse la main qui a vieilli. Tout le monde dit que ça va mal. Non, on veut pas vivre comme ça. Pour comme minorité, qu'a couillonné le peuple là. Mon ami, c'est ça qu'on l'a dit, nous où est-ce qu'on va. Avec complicité à l'état qui t'aille, ça qui t'aille. Non, on veut pas vivre comme ça. Yo veut pousser nous à faire ça, il fait ton Wenda. Ni trop longtemps nous qu'à attendre, le plat qu'à souffrir en baillant. Nous qu'en quittant, qu'en nous t'a réclamé la vie. Yo veut diviser nous à nous de nec contre nec. Technique esclavagiste, faut y être qu'à faire à l'an. Si elle dit c'est pour qu'à faire mon chien sous son nec. A problème, yo que fou en zo pour soucer. Pénis problème, l'an qu'à tout mon terror. Tout mon lac à tchène le coup. Ça va changer l'époque, l'en décasser et nous les coudes. En l'entour en nous, t'es dit le monde qu'a vu une fou. Fraternité ni en sens, faut trop vrai valeur moune. Ça fait pas fin à genoux, comment dire salaire en moins. Si on mordait même ma tête, c'est tout bout pour terrer moins. C'est un soldat, pour mon pas job, au moins rien. Taille le smic, c'est pas pour moi. Pour pas de moi, ça chaud, faut défendre cause là. Si j'accompagne ça qui j'ai qu'est demain, continue lutter pour tout ça qu'a vu une derrière. Partager les richesses, si j'en fais ça fin bien. Si on fait un nouveau carnage, un nouveau mai 67. Ah ouais. Non, on ne veut pas faire comme ça. Pour une seule minorité qui a dominé le peuple là. Mon ami, c'est sans volat, dis-nous où est-ce qu'on va. Avec complicité à l'état de yes, ça qui derrière. Non, nous ne veut pas faire comme ça. Nous veut pousser nous à faire ça et faire ton Wenda. Ni trop longtemps nous qu'à attendre, peuple là qu'à souffrir en baillant un jour ou l'autre. Nous qui réclamer la vie. Poyen nou an lè, travay pa ka fè nou pay. Mèm si nou se ti moun a chou, mè sa pa chanje yon mèd. Salut monsieur le préfet, comment que tu veux l'oseille? Douleur à la population, pâté en bouche à oreille. Peuple a qu'à défiler en l'art, il a bouti un diesel. Revendiquer l'égalité, rend le pays en main célèbre. L'esprit la grippe, on nous loin, nous payer ten soleil. Faut en parler des sans cafouets et pas ni d'autres sujets. C'est un senti à poubelle, faut j'en pour voir pour quoi. Et à partir des shots, la wada, péke j'ai pareil. Nous qu'arrivé, ça y est, en caille du champ, en cabré. On l'a mon cabré misère, en wada, qu'on aille. On nous montre, ok. Nous ça fait plus qu'il est rêve. Entendre un béquet qui a parlé, y'en prend un bal en plein cœur. Et déjà, à part du des mères qui lèvent poney. Le monde appartient, on lève tôt, donc si ça vrai, nous qu'est vrai. Fierté en nous nécessaire, big up et mes césaires. Des nègres qu'on s'apprend, moins qu'il faut pas laisser au veille. Poignons nous en l'air, travail pas qu'à faire nous paye. Nous c'est timoun à fonctionner, et malgré ça nous fait. Poignons nous en l'air, travail pas qu'à faire nous paye. Même si nous c'est timoun à chaud, mais ça pas changer, y'en mêle. Nous c'est nègres, t'as fait un bon moment, nous qu'à jamber raide. Que c'est le bon moment pour tchimber les reines. Nous sommes des esclaves, nous c'est les rois et reines. Président aux USA, c'est ça qui belle. Seigneur, béni la Guadeloupe et tout le peuple. Tout nom, c'est nom, tout nom qu'a fait. En effet, envie construit en Guadeloupe meilleur. Mais on peut pas faire tout ça. Parce qu'il y a un mec qui a lavé l'autre. Un mec qui a lavé l'autre. Un mec qui a lavé l'autre. Des autres pour mettre l'ordre, musique pour mettre l'ordre. On met qui calave l'ordre. Quoi de nambi? On met qui calave l'ordre. On met qui calave l'ordre. Visez des autres pour mettre l'ordre, musique. soumet des larmes. Février 2009, grève contre la vie chère. On entendait à l'instant Young Chang MC après avoir entendu Fokly. C'était Young Chang MC pour le titre En l'emmec à la vélote. À l'époque, un mouvement initié par le collectif contre l'exploitation outrancière, Lyonnage contre profitation, LKP. Ça a démarré le 20 janvier, puis le 5 février, le mouvement s'est propagé également en Guadeloupe, en Martinique, avec le collectif du 5 février. On va entendre cette fois un hymne qu'on a beaucoup entendu dans les rues de Fort-de-France et jusqu'à aujourd'hui, un titre d'Edmond Mon Désir, c'est pour la victoire nous qu'à aller. C'est pour la victoire nous calé, Mama et là y'a nous mobiliser. C'est pour la victoire nous calé, Mama et là y'a nous organiser. C'est pour la victoire nous calé, et j'allais pour baron nous ballon. C'est pour la victoire nous calé, et j'allais pour nous aller devant. C'est pour la victoire nous calé, à nous lever pour nous garder plus loin. C'est pour la victoire nous calé, à nous lever pour nous tracer chemin. C'est pour la victoire nous calé, Mama et là nous pas venir faire wall. C'est pour la victoire nous calé, Mama et là y'a nous collé ses épaules. C'est pour la victoire nous calé, à nous lever, rouge pour la victoire. À nous lever, rouge pour la victoire. À nous lever, rouge pour la victoire. Tout le temps nous lever, rouge pour la victoire. À nous aller, rouge pour la victoire. À nous aller, rouge pour la victoire. À nous aller, rouge pour la victoire. Tout le temps nous aller, rouge pour la victoire. À nous sembler, rouge pour la victoire. À nous sembler, rouge pour la victoire. À nous sembler, rouge pour la victoire. Tout le temps nous sembler, rouge pour la victoire. À nous lever, rouge pour la victoire. À nous lever, rouge pour la victoire. Tout le temps nous lever, comme une ambi. Nous lever, rouge pour la victoire. Mama et là y'a nous mobiliser. C'est pour la victoire nous calé. Mama et là y'a nous organiser. C'est pour la victoire nous calé. Et j'allais pour baron nous ballon. C'est pour la victoire nous calé. Et j'allais pour nous aller devant. C'est pour la victoire nous calé. À nous lever pour nous garder plus loin. C'est pour la victoire nous calé. À nous lever pour nous tracer chemin. C'est pour la victoire nous calé. Mama et là nous pas venir faire wall. C'est pour la victoire nous calé, Mama et là y'a nous collé ses épaules. C'est pour la victoire nous calé, à nous lever, rouge pour la victoire. À nous lever, rouge pour la victoire. À nous lever, rouge pour la victoire. Tout le temps nous lever, rouge pour la victoire. À nous aller, rouge pour la victoire. À nous aller, rouge pour la victoire. À nous aller, rouge pour la victoire. Tout le temps nous aller, rouge pour la victoire. À nous sembler, rouge pour la victoire. À nous sembler, rouge pour la victoire. À nous sembler, rouge pour la victoire. Tout le temps nous sembler, rouge pour la victoire. Tout le temps nous sembler, rouge pour la victoire. Soupe comprend nos peuples guadeloupéens, capable qu'à dire bêtises et de la race souffert. Soupe comprend nos peuples guadeloupéens, capable qu'à dire bêtises et de la race enfer. Nous dit ces messieurs colonialistes, nous dit français esclavagistes, nous dit les hommes c'est l'injustice. Nous dit ces messieurs colonialistes, ces messieurs esclavagistes, nous dit français c'est l'injustice. Et pour qui ça paye là, pour qui ça paye là, pour qui ça paye pas nous la ramolli comme ça. Et pour qui ça paye là, pour qui ça paye là, pour qui ça paye pas nous la ramolli comme ça. Pour qui ça paye là, pour qui ça paye là, pour qui ça paye pas nous la ramolli comme ça. Pour qui ça paye là, pour qui ça paye là, pour qui ça paye pas nous la ramolli comme ça. La Guadeloupe a joué en cas critique, c'est contention idéologique. Tout le monde veut changer la société, oui, mais pas trop vite, oui, mais pas tout de suite. Bouge pas qu'a dit tout ça qui en qu'est pas avalé tout ça qui en bouche. Pendant l'état kaboula pour nous, caille nous qu'a danser, caille nous qu'a danser. Nous disait messieurs colonialistes, c'est messieurs esclavagistes, c'est messieurs c'est l'injustice. Nous disait messieurs colonialistes, c'est messieurs esclavagistes, nous dit français c'est l'injustice. Et pour qui ça paye là, pour qui ça paye là, pour qui ça paye pas nous la ramolli comme ça. Pour qui ça paye là, pour qui ça paye pas nous la ramolli comme ça. Pour qui ça paye là, pour qui ça paye là, pour qui ça paye pas nous la ramolli comme ça. Pour qui ça paye là, pour qui ça paye là, pour qui ça paye pas nous la ramolli comme ça. Moi manger un plan qui est sans défaut. On va prendre les casernes d'assaut, les télévoteurs et les radios. Manger un plan qui est sans défaut. On va prendre la caserne d'assaut, toutes les aéroports et les radios. Toute la journée nous campé, rien pas bon pour des ça changer. Guadoupéen, nan nous responsabilité. Encore. Toute la journée nous campé, rien pas bon pour des ça changer. Guadoupéen, nan nous responsabilité. Politique a dansé journaliste, syndicat a dansé politique. Yo tout veut changer la société. Oui mais pas trop vite, oui mais pas tout de suite. Peuple a déjà compris nos laïcs. Pressé parler, pas pressé bouger. C'est manger tout seul et qu'à compter. Oui mais pas trop vite, oui mais pas tout de suite. Nous dit c'est métier colonialiste, c'est métier esclavagiste. Nous dit français c'est l'injustice. C'est messier colonialiste, c'est messier esclavagiste. Pourquoi c'est messier, c'est l'injustice. Don Diego de la Vega a débarqué à la Guadeloupe. Après Edmond Mondésir, c'est pour la victoire, nous qu'à aller. Et le collectif du 5 février, quand le mouvement s'est étendu en Martinique, on a entendu Soft qui semblait nous dire à quand la révolution. Et on va poursuivre avec un son qui date de 2008, donc juste avant les événements, mais qui semble nous dire un peu la même chose. Kauka attend, qu'est-ce qu'on attend? Un titre de Timalo qui était sur l'album Powell Fonke. Donc on écoute tout de suite. Kauka attend. A un pays où baille couler à Flé Balisier et Alpigna, où baille l'odeur à Montbain et à Fonbazin. Kauka attend pour secler jardin pour nous planter. Nous visons un homme sérieux pour construire charpente à un pays. Oye y monte, confi la ou. E bay racine pi gros ki ta mango. Kauka attend. Kauka attend pou bay boa. Bay boa pou nou ale. Nou bizen om instruit pou leve pitit a ou peyi. E pote konesans. Fais jeunesse, prends conscience, fais vieux comprend sentiment. Kauka attend. Kauka attend pour sembler en sipé. Intelligence, bon Dieu bao. Ou dis-moi, trop pressé, pas qu'à faire jour ouvert. Mais les gens dimanche en risé, les gens la semaine en neuf. Ou un chou à boîte de nuit, soirée d'un sol. Fauté, danser, alcool, de septembre à septembre. Qu'on est ton seul sein, c'est 5 heures du matin. Sorti la nuit, dormi la journée, qu'on est beau. Dis-moi, trop pressé, pas qu'à faire jour ouvert. Mais qui a au calé et l'esprit a au coré. Ou un tu as femme filas, si veux baba maïs, mettre ton clou, l'eau coco, ou à coucou, un yon kakou, il y a un coucou, des bons des bains. Ou dis-moi, allez, à virez à au septembre, moins, trop pressé, pas qu'à faire jour ouvert. Mais jour quand vous vessiez, ou quand vous bissiez, si on y a au café sick, les gens dormis à au risé, les gens travaillent au nerf. Allez, à moins septembre, moins, en caprin du vent toujours. Pas ça qui du vent qu'après bon café. Allez, à moins septembre, moins. Et si vous attendez moins viré pour moins café, dormez toujours. Nous apprenons du vent toujours. C'est le temps de l'action, d'après les mots de Timalo. Et je précise que Nous consacrons cette émission aux événements de février 2009 aux Antilles, grève générale contre l'exploitation outrancière. Et Timalo, nous le recevrons exactement dans un mois pour parler de son projet Demoon, qui justement a pour décor ces événements de février 2009. On va poursuivre avec aussi des artistes antillais, mais qui étaient basés à Paris, donc qui font partie de tous ces Antillais qui ont suivi de loin. C'est Rimed Razier avec le titre La Grève Barré Moins. Maman, la grève barré moins. Maman, la grève barré moins. Maman, la grève barré moins. C'est bêché là, bah les bails des fois. Non, non, non, non. Non, non, non, non. Non, non, non. Je peux te rappeler si c'est terrible. T'as fait chio et puis nous, l'esprit nous gagne parti. Nous gagne pas, il va te conduire pas ou Jean-Marie. On va sur les canaki. Fout, vous savez de l'air, nous c'est pour le maquis. Mais tu es au pays, y'a au pays coquille. Rappon n'est grappon au bête, toi si l'on est bécile. Les compols tout ça à qui? Compols n'est gagne, mais ça qui factice. Y'a quand vous lèvez votre mobile, même la quotidienne, y'a c'est parti. Matinique, y'a qu'à manger des picatsets. Y'a qu'à y'a même un conseil, y'a qu'à crier sa picatsette. Y'a le nouvel adjet, mais ça pas qu'à remplir, y'a qu'à dire. Nous savons bien, y'a pas ni ailleurs fou. Pays à fleur, plante école pour ça, tu es nous, on croit pour tout. La genou en poche, y'a depuis les sages, j'y sais la route. Travaille ma bête, j'ai de loup pavé. Un chêne, mon adé, y'a dit. Maman, la grève paré moins. Maman, la grève paré moins. Maman, la grève paré moins. C'est bêché, y'a pas les bails des fois. Non, non, non, non. Rimed Razier, Neg Lyrical, Tiflash, Cool 16, La Grève Barré Moins, toujours la grève de février 2009. Et on va montrer aussi tout ce qui a pu suivre comme en termes d'inspiration chez nos artistes. On reste chez des artistes martiniquais. Cette fois, on va écouter Dubout ou bien Mo, Dom, Debout ou Mourir, chanté par Colo Barst. Petit Congrès, enfants et parents, on nous semblait la ronde pour nous échanger. On nous assise parler, pour nous raconter, pour nous pèser de nous. Ça qui bon, ça qui mauvais. Où va-t-il chayant balade pour dire la vérité? On nous cherche ensemble tout ça qui pour changer, nous condamner et gâter. Oh là nous caler, pas ni un logime, c'est tout pour tout bien mort. Mettez au cas consommer tout ça qui bon pour tuer. Connaître toute vérité en les complots montés. Yo ne peut pas tuer l'esprit ou c'est quand yo les détruit. Songez là nous sortir. Tout ça nous j'a assibi. C'est force et volonté qui fait nous résister. Nous faut passer tout ça. L'été est plus prêché, victoire sur le mal, je mets la dignité. Femme yon foun chè yo, ni moun ki ni chè yo, serre yon l'esprit yo. Ni moun ki ni chè yo, serre derrière tout yo. Ni moun ki ni chè yo, femme yon l'âme yo. Ni moun ki pa ni chè, pour faire ça yo, pour faire. Ni d'autre qui ka cherché, ça chè yo di yo faire. Nous pas quitter chez nous, c'est rien fond chez nous. Quand nous m'en nous mettez chez nous, tout à l'heure tout comme nous, coller et puis après nous. Tout à l'heure tout comme nous, coller et puis après nous. Je vais remettre à l'honneur la nation et l'identité nationale. Je vais rendre aux Français la fierté de la France. Je vais en finir avec la repentance. Pas besoin de ça, si m'en fait la France descendre. C'est pas ça qui problème, moi, la métropole, outre-mer. Moi je veux t'apprendre ce que c'est d'être antillais, nègre, élevé à l'école française, fin du 20e siècle. Ce que c'est d'apprendre dans ton propre pays, être insensible à ce que tu es ou ce qu'ont fait tes ancêtres. Apprendre à penser que c'est normal de n'être qu'une moitié de page hors programme de ton livre d'histoire. Climat océanique, continental, en pleine région tropicale. Voilà de quoi on te parle, et tous en cœur on le chantait. Chaque Noël, des histoires de neige et de beaux sapins, au point d'être choqué l'année où la maîtresse a lu un extrait de texte écrit par un nègre. Hey, moi c'est le prof du lycée Shelcher qui m'a forcé à lire Césaire. Et ça faisait chier à toute la classe. À quoi ça sert frère, c'est pour le programme du bac. V'là ce qu'on pensait en fait. Et on lisait en diagonale. Y'a pas de raison qu'on se crève plus que les élèves de France hexagonale. On rouspète et croyons qu'on y gagne, c'est ça le secret. L'égalité à la française, réfléchir à l'envers pour loger à même enseigne. As-tu idée de ce que c'est? Apprendre à ignorer ses héros, vénérer ses bourreaux, montrer comme on est français. Et dans les récits se mettre du côté du colon, les De Gaulle et Napoléon, là le processus rentre en scène. Quand tu défends toi-même ceux qui tronquent l'info qu'on t'enseigne. Quand tu réponds amen et sans procès au verdict qui incrimine les rares nègres qui ont protesté. Quand on sait mais qu'on s'écrase quand on dresse une statue pour une maîtresse d'esclaves et qu'on traite de mauvaise race ceux qui d'un scalp l'ont fait tomber de son piédestal et qu'au final on la laisse là. Et dans chaque débat, la peur de faire des vagues pour quelques droits de base dont on se croit redevable. On résiste dans les livres et dans l'art contre ceux qui nous méprisent et puis on dresse la patte à chaque miette qu'on reçoit pour une date, un 10 mai, un 4-4 à crédit, un accès privilégié à la fonction publique. Il faudrait dire merci tandis que les reines du business, elles nous sont interdites. Alors les plus diplômés partent et souvent ne reviennent pas suivre le conseil des parents. Plus rien à faire ici de toute façon et aucune chance que ça change. Comme au temps béni du Bumidome dans les années 60. As-tu idée de ce que c'est, petit, de trouver ça normal que la peau s'éclaircisse en grimpant l'échelle sociale et d'être traité de raciste lorsqu'on le remarque comme si toutes ces histoires faisaient partie du passé. Alors nous voilà tous petits garçons à nous moquer du plus foncé et les traiter de charbon, à discuter sur qui est plus ou moins marron, sachant que plus le marron est clair et plus la fille est canon. Donc les chabines sont en vogue et les hommes ne disent pas non. Plus la propagande du métissage qui se traduit par une pratique massive du défrisage et depuis BITissage, bien que la liste s'allonge. Comment saurais-tu ce que c'est quand tous ces critères font qu'au naturel ta race ne peut être que laide et qu'à force de pas se poser de questions on finit par se l'expliquer de façon rationnelle. Et ce qui te reste comme ça, Lucelle, changement de statut qui passe par ta tenue, ta maison, ta voiture. Mais pour ça faut travailler à l'école, bien apprendre le français ne sert à rien de parler créole. Comme si deux langues maternelles étaient au-dessus de nos forces. On le réserve pour les insultes, ne le parle pas avec les parents dont les expressions se perdent et tout un sens de la formule. Pendant que nos élus à la télé se ridiculisent à force de surarticuler, que nos élites, ainsi fières de leur confort, se félicitent entre autres choses d'une économie sous l'emprise des mêmes monopoles dont les bénéfices ne rentrent guère dans notre poche, prennent pour faiblesse tout ce qui en fait fait notre force, étranger à notre propre sort selon le modèle conçu dans l'intérêt de l'autre pôle. La métropole d'outre-mer réveille les mémoires d'outre-tombe. Vu des tropiques, l'histoire se lit dans l'autre sens. De tes livres, j'ai appris une histoire qui fait passer pour un rêve anodin notre pire cauchemar. La métropole d'outre-mer réveille les mémoires d'outre-tombe. Renverse l'histoire, recherche notre amour dans le mensonge. Quand s'expriment les incompris du vieux continent, ma réponse quand on méprise ne laisse pas de place aux sentiments. Je n'ai pas grandi outre-mer, j'ai grandi chez moi et ça, il faudra t'y faire. Avant les temps modernes, tu faisais pas partie de mon histoire et je viens d'Amérique latine. La France n'est pas le centre de mon planisphère. C'est l'art de grandir hors de soi-même, d'être projeté dans un mythe et d'y croire jusqu'à croiser un miroir et d'y voir. Qu'à vouloir fuir le passé, on s'y enferme à jamais. Qu'à nier à un peuple son droit d'être, on se l'aliène. Qu'à viser l'amour forcé, c'est à l'extrême inverse qu'on l'amène. Et ne parle pas de sentiments. Je respecte qui me respecte et rien que là la distance est immense. Je ne me parle pas de passion, je n'ai pas la tolérance de mes parents. Et je n'ai pas les illusions des parents de mes parents qui te parlent de repentance. Cela fait bien longtemps que je n'attends rien de la France. Après Colobarst, Dubout ou bien Mo Dom, c'était Scott Squad, Métropole d'Outre-mer. C'est une sélection consacrée à ce qu'on pourrait appeler les musiques militants, musique militante des Antilles, Martinique, Guadeloupe, suite au mouvement de février 2009, qui n'était pas le premier, mais qui reste un moment très symbolique et qui a inspiré de nombreux artistes dans de nombreux genres musicaux. Et on rappelle aussi, par là même, que les musiques antillaises de Martinique, de Guadeloupe, ne sont pas uniquement consacrées au divertissement, au tube de l'été, mais porte un message bien plus fort. Et surtout, on va en février, c'est le moment du carnaval. On va écouter un petit extrait d'un titre de Joe Desormeaux, Voici le loup, pour les 20 ans de l'entrée des Antilles dans l'Union européenne, et pour montrer à comment on peut mélanger à la fois festivité et message. Konambi. Konambi. Konambi. proposé Guadeloupe, Martinique, Guyane. Encore vidé Baval contre le grand méchant loup. Pas oublié Mamaï, janvier 93. Quand il débat chez Kainou, yon qualité vie belle. Pas oublié Mamaï, janvier 93. Quand il débat chez Kainou, le grand méchant loup. Île à vendre de Cali, nous étions en 92 et juste avant, en 1989, avec Joe Desormo, 20 ans avant les événements de février 2009. Et on va remonter tout doucement jusqu'à aujourd'hui avec différents artistes qui ont dénoncé une certaine situation sociale aux Antilles, difficile, les inégalités. On va écouter Égalité à des vitesses de Dédé Saint-Prix. Pas ni voler sans soutirer, mais bon Dieu, puis ni pas qu'arrêter bien loin. Il toujours tout prêt, m'lame comme ça m'lame. Ça ou qu'a cherché, y a ou qu'a trouvé. Gouvernement qu'a pigé les petits, il qu'a protégé les plus gros. Ça qui prend prier, ça qui prie prend. Piti la jolie, puis les gros de wow, oui. Ou crié égalité. Égalité à des vies. Banou kota et di kota. Égalité à des vitesses. Et yo se le ra maman. Le yo ka pran pouvoir. Oui, yo se le ra papa. Et c'est ça la cour de grand. Oui, yo bon mouton maman. Tout en pas voté bayola. Oui, yo bon mouton papa. Respecter la loi. préférer la soif mon pito. Au lieu ni l'argent facile, c'est ça ou fait. Mais c'est ça ou okay, qu'est ouais. Corruption, c'est tout partout qui est. Tipoula, télésul, ticona, babillé. C'est l'équimonnaie. Dix sociétés toujours contrôlées. Mais les plus gros qu'a passé pas mal. Ou qu'a essayé de briller con. Gagne manier ou qu'a galéré. Tant, you tire frein pour mettre des roues. C'est plus red la vie à qu'a fini. C'est plus que truc de gueule. Ou qu'a parlé de guilty à main. Pour cette famille qui toujours mange, oui. You crie égalité. Espoir pour la jeunesse, oui, yo aïe arabe là. Mais yo aime pétrolia, oui, yo comme ton papa. Où t'es bel yo café? C'est colbo, ou n'a vu crié ou. Si ou pas ta sape con yo, le ou calé pour chercher travail. Toute la porte café mais là, pas sous toi. Si travail de frappe, pas sous nous. Mais pas trouver un caille, pas sous nous. Yo comprends nous couillons, pas sous nous. Ou pas moun passé yo. La poca rip, aïe mi negra. C'est pas un tableau, ou ni en force fait. Mais non, on va porter à ka force yo. Tout nek ka goumen red nan. Parce que système l'en fait nous quand nous même nous daye. Hek se vous avant pas baisser bras. Hek dit on sent encore en froid. Aka se voice popular, c'est d'acha. Bon marchand, les marchés à bas gros consommateurs, yeah. Pas tout agriculté, travailler pas soleil, ça c'est misère. Ou quand t'en malhonnête, ou quand qu'il honnête, j'y mou en cas coûte trop cher. Le premier grip, c'est travailler la terre, pour venir docteur ou secrétaire. La terre va capoter, yo en société, c'est yo qui les plus gros acteurs. L'état même encore plus volé, quand t'as on est tous à ouvert. Mais comment y'a les malheurs, les rives, ya. Travaille les soins, aux urgences qu'à laisser pour mieux pour être mon n'importe qui l'est, yeah, yeah, yeah. Mon pied c'est pas sans peine, gars qui a mis tant d'y fait l'envers, ça l'est ou lui même pas ni autant chalet. Yo rive, c'est péché. Yo rive, c'est péché. Yo rive, c'est péché. Depuis de bon matin, yo allé chercher poisson pour nous. Yo pas trouvé poisson, yo trouvé l'homme mauvais. C'est Miro di Père François. Ma couba trinité, yo bati mi clan, mais yo pas trouvé rien. Yo rive, c'est péché à yo rive, c'est péché à yo rive, c'est péché à yo rive, c'est péché à. Valé juste avant dans La Vie à Red rendait hommage aux personnes qui souffrent aux Antilles, qui ont conditions de vie précaires. Victor O lui rendait hommage aux pêcheurs dans ses pêchés. On va enchaîner avec un artiste paille qui va dire assez, qui va exprimer un certain ras-le-bol sur différentes choses qui se déroulent aux Antilles. On écoute tout de suite assez paille. Toujours dans la sélection consacrée aux événements de février 2009, grève générale, 44 jours de grève. Et on va enchaîner directement avec La Gâchette. Sur le titre Boulevard Nous Jabons, qui nous propose une réflexion inspirée de tous ces événements. Boulevard Nous Jabons. Nous Jabons. Nous Jabons. Passe, que la vue la cabre nous casse. Nous capatis en fight contre l'état et sa cabre nous blague. Passe, tu le sais, échappe des gammes. Échappe des gammes, mais les bacs plus qu'à tige avec travail. Nous on doit amener les autres, nous on doit amener les autres. Qu'est-ce qu'ils font pour les autres? C'est la dépite que l'on taille. Depuis qu'ils sont là, qu'ils pensent, qu'ils m'ont là. Depuis qu'ils sont là, qu'ils changent au quai au nouveau boulevard. Nous on doit amener les autres, qu'ils font pour payer en nous. Nous on doit amener les autres, pour économie en nous. Pas qu'à qui m'en dit, pas ça l'est qu'il est, pas qu'on est mauvais. Nous qu'à m'en savent, nous qui savent, c'est en nous. Rappez pas autre, danse tes pas autre, chante pas autre, n'a pas problème à autre. Zot c'est l'état, zot qu'à mener, grand vie et famille à autre. Nous c'est le peuple qu'on répond, changement des vivants en nous. Mi, mi logo, quatre simoun, on loyer, à payer, faut manger, étudier. Last bomb et power, savent que l'état, car nous parle. Mais papa nous bisait. A pas haine nous bisez, a pas augmentation à quelque fucking ennemi nous bisez. Hey, ho, conscience. Hey, hey, conscience. Bye. Maman tu vois frère, mais bisez parler bah pep moi. You miss a talker man, you miss a speaker, you miss a lover, you're not be no teacher. Stop misleading the people them. Who don't fear teach the people them. No good can reach the people them. They see clear a evil them. They might try kill the people them. Before them build the people them. Promise can fulfill the people them. They see clear a evil them. So me tell them, they venu au pays de la banane jaune. Là où la terre un petit goût de clore des cornes. Royaume de Canada, home agricole. Les femmes portent la culotte et les hommes portent leur corps. Sur le trône, nos petits frères ne vont plus à l'école. Pourquoi le faire s'ils peuvent vendre de la drogue? Puisque nos politiciens ont tous perdu leur graine. Ils parlent depuis des siècles. J'entends les voix, mais je ne vois pas les gestes. Non, rien n'a changé depuis la grève. Oui, mesdames et messieurs, vous avez vendu un rêve. Pas ni moi, rien, moi, pourquoi pas les troubles? D'ailleurs, pour y comprendre, ma caille, pas les propres. Adam et Diane, nous n'y tibrez pas, nous nous sommes. Oh, bon imbécile, vous m'avez pas appelé, ils ont droit. En le politicien, garanti, va peuple. Quand les mics pour moi tiens bien ton métal, donc femme on ne sait sur comment on laisse ça. Mais qu'est-ce que t'as moins pour m'en parler, pas peuple ici, ni des génies, mais nous pas encore ouais ça va mais maxion c'est ou mancer. Et puis tout m'pas couvrir en pipe, m'en délire pour sous que nous toute la lot. de valet de pin de Jamaica. Ni calache ni lieutenant et puis à l'époque de quoi. En tant taxi que yon teka, croise zouk là. Tout ça c'est pas un pays moins donc. Mais pas pour ça, bon pas ni a yen à foutre de école ou de Chris Bonne. Et puis télé, qui radio yon oublié tout ça. Yon juste qu'a fait le diable, fait nous passer pour moun son. Moi si mes Ralph ça mange ouvert après la pluie. Moi j'alloue tant de gars ça même on va fermer non plus. Au cas on fout des cultures il y a la Martinique. Donc j'écoute Michael Jackson juste après MC Janette. La gâchette nous a dit, nous jabons, Paille nous a dit assez, les deux exprimaient, sera le bol. Et on va conclure cette émission consacrée aux 44 jours de grève générale contre l'exploitation outrancière aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, puis Guyane, Réunion également, avec un titre qui prend la suite justement. On écoutait juste tout à l'heure, Voici le loup de Joe Desormeaux qui nous parlait de l'Europe. Tismé poursuit la réflexion sur les robinets. Une idée frais sans crédit au prend ni dot sans taille au vent quand on poigne la jambe ça dommage. Yo qui comprend que pas qu'à vendre pour l'autre là yo qui dit yo la casse voici à yo qu'à vendre ghetto. Guadeloupe moun qui pas aimé Guadeloupe yen. Ni ça qu'a dit pas ni hack mais c'est la même yo plus bien. On côté ni l'argent ça pas grave si c'est artificiel. On papi ange a dessiné et veut un style pour chaque zèle. Oh là la Guadeloupe ka yo qu'a fait débattre les vises. Guadeloupe calé là nous calé c'est ça pour nous réaliser. Faut nous tchèbe nous qu'on dit ça et que des ALY. Et c'est garder ça et mac. Les chaque étiquette ou okay. Qui constaté tout dit est importé. Comme nous payons bon nous si fausse nous qui s'en foutait. Nous parmi meilleurs consommateurs la terre portée. Un cas quoi uni en question qui méritait nous poser. Mais les wop qui décide faire mes robines là. Robines là, dis-moi est-ce nous qu'est né en dot qui bite. Moi n'est une équipe à la nous ni là. Que nous ni là, dis-moi. Les wop qui décide faire mes robines là. Robines là, dis-moi est-ce nous qu'est né en dot. Mwen yè tounè ki ta la nou ni la, gen nou ni la. An ka di le wop, an te pe di la France me ale la. Sa e ka e konte de plis en plis se de gap oble la. An ka di le robine, kon kon robine la pompe la. Pou distribi son l'argent la, pou nou fè route à 6 voies. Pou distribution a sa yo kriye le kargon pousse. Nou pa karive fè vè, nou ki oblige fè sa. An ka di nou, men pa kwen an indépendantiste. An réaliste, a la limite, di ke an pessimiste. Pas peut-être l'argent ke continue koule. Le ou bien gade kote la e sorti. Kari tounè, an pe pa empêche mwen réfléchi. Ka e ke fèt si bato la pa. Car notre pour nous manger, c'est qui en bouche qui. J'ai la santé mon aigri, même les ventes aillent bien plein. Je dois être que manger mon si fouille à peine, vino placer paix. En cas quoi, faut nous retrouver en mode de gestion. Actuellement, c'est butin, ça fait, c'est poser question. Mais les wop, qui décide de faire mes robines là. Robines là, dis-moi est-ce nous qu'est né en dot, qui butin. Moi n'est une équipe à la nous ni là, que nous ni là. Dis-moi, les wop. Qui décide de faire mes robines là, dis-moi est-ce que t'es né en dot, tu bites, mais tu n'es qui t'as la nouni là, vous êtes dans l'émission Conlambi. Consacré aux Antilles, 16h-17h, aujourd'hui, dans Musique Jeudi, nos musiques d'aujourd'hui, on a réservé la part belle aux musiques militantes de chez nous, Martinique, Guadeloupe, pour les 4 ans de la grève générale qui a eu lieu. Et on a entendu à l'instant Tismé, les robinets, qui nous faisait une réflexion entre le rapport de l'Europe et la Guadeloupe. Et on vous annonce d'ores et déjà que dans un mois, toujours sur la même thématique, mais cette fois pour clôturer ces 44 jours de grève, nous recevrons l'artiste Timalo pour son album, son livre, son projet Demoon, qui viendra dans les locaux pour nous parler un peu de tout ça. Et on va donner le relais à Conlambi Haïti tout de suite à 17h.